Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Maj ont le plaisir de vous présenter Min fada'ili wa alamati laylatil qadr, parmi les mérites et les signes de laylatul qadr, la nuit du destin, un cours donné par le frère Sofiane al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبالأمس القريب استقبلنا شهرا عظيم شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام ونحن اليوم نعيش في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفي هذه الأيام المباركة ليلة عظيمة ليلة عظيمة جدا جدا وهذه الليلة لها فضائل ولها مميزات ولها علامات وأمارات وهذه الليلة تسمى بليلة القدر واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعونه وبتوفيقه سنذكر بعض فضائل هذه الليلة وكذلك علامات هذه الليلة لعل الله أن يوفقنا للاجتهاد فيها وهكذا دوك إن شاء الله سبحانه وتعالى Aujourd'hui, on va parler de Laylat al-Qadr. On va parler de les mérites de Laylat al-Qadr. Wa kadhalik les signes de Laylat al-Qadr. Comment tu reconnais cette nuit? Lianna hadhihi al-layla, elle a des signes. Hein, des signes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré pour reconnaître cette nuit. Falyom, inshallah, on va parler de ces signes et ces mérites de cette nuit. Awalan, avant de rentrer dans le sujet, ça veut dire quoi Laylat al-Qadr? Ma ma'na Laylat al-Qadr? Ba'd al-ulama yaqulun سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة يعني يقدر الأرزاق وهكذا من سيموت في هذه السنة لهذا سميت ليلة القدر donc certains ulama disent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit il décrète le destin de ses serviteurs وهكذا donc c'est pour ça qu'elle a été appelée ليلة القدر Hein, qui traduit en français la nuit du destin. Et d'autres ulama, ils disent que Laylatul Qadr, Sumiyat Laylatul Qadr, limadha, li anna fi hadhihi al-layla, ou al-amal fi hadhihi al-layla, lahu qadr azim. C'est-à-dire, le qadr, c'est le mérite. Fi hadhihi al-layla, celui qui fait des bonnes actions dans cette nuit, il a un grand mérite. Ses actions, ils ont un grand mérite. Wa hakadha. Et d'autres ulama, ils disent, Sumiyat Laylatul Qadr, Parce que cette nuit, elle a un qadr azim. Et le qadr, c'est le fadl. Le qadr, c'est le fadl, le mérite. Comme a dit le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah fil Lamiyyah, en parlant des sahaba, وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى وَفَضَائِلُ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ لِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى C'est quoi le qadr? C'est le mérite, le fadl. On avait déjà expliqué ça, le dors. طيب. Donc, هذه الليلة, سميت ليلة القدر, pour ces choses qu'on a citées. Soit pour le destin, وهكذا, ou bien parce qu'elle a un qadr azim cette nuit, ou là parce que l'amal salih, pendant cette nuit, il a un qadr. Kulla hadhihi al-ma'ani sahiha. Hein? Il n'y a pas de khilaf entre ces ma'ani. Ça veut dire ces trois choses. Wa hakadha. Fa al-yum, inshallah, on va citer ba'd fada'il hadhihi al-layla. Min al-ma'loum, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran pendant le mois de Ramadan. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا C'est un dalil que, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan. Hada, le dalil, il est clair. Voilà que ce verset, il est mujmal. Hein? Ce verset, il est âme. Ce verset, il nous prouve, ou bien plutôt, ce verset, il prouve que Laylatul Qadr, elle a été, plutôt, Mada, que le Coran, il a été révélé pendant le mois de Ramadan. Voilà qu'il quand est-ce pendant Ramadan? Est-ce que c'est au début du mois de Ramadan? Ou bien est-ce que c'est au milieu de Ramadan? Ou bien est-ce que c'est à la fin de Ramadan? Ce verset ne précise pas. Hein? Il est mujmal. Voilà qu'il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il explique plus quand est-ce qu'il a révélé, il a fait descendre le Coran. قال الله تعالى في سورة الدخان حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. هذا سبيرسي يتبروف كو سيتي دانز اون ليلة مباركة. Et si tu regardes le tafsir des ulama, ils vont dire c'est Laylatul Qadr. Et dans un autre verset, dans Surat al-Qadr, Allah précise et il appelle cette nuit qui est Mubaraka Laylatul Qadr. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Allah, il parle de quoi? Il parle du Coran. Anzalnahu, c'est-à-dire al-Qur'an. Al-damir huna, yarji ila al-Qur'an. C'est comme si Allah, il aurait dit, inna anzalna al-Qur'ana fi laylat al-qadr. Fal-Qur'an, il a été révélé pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, et plus précisément, pendant laylat al-qadr. Pendant laylat al-qadr. Wa hada, c'est un fadl azim de cette nuit. Ça montre que c'est une nuit vraiment très, très azim. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi cette nuit pour révéler le meilleur de ses livres. Et pour révéler le dernier de ses livres. Al-Qur'an al-Azim. Et ça, ça prouve que c'est une nuit azim. Allah, il a choisi le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Là, on avait déjà vu dans les dours précédents. Le meilleur mois de l'année. Il a plein de khasa'is, il a plein de mumayizat, il a plein de mérites, ce mois. Et après, il a choisi la meilleure, le meilleur jour de ce mois-ci, qui est Laylatul Qadr. Il y en a Laylatul Qadr, c'est le meilleur jour du mois de Ramadan. Et on va voir les fada'il de cette nuit plutôt. C'est pas le jour, c'est la nuit. Walakin huna tanbih, mulahadha muhimma. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran, pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit du destin. Il ne faut pas que tu comprennes que Jibril, alayhi salam, il est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné directement Al-Qur'an, le Mus'haf, comme on a là. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Al-Qur'an, il n'est pas descendu directement. Jumlatan wahida, là. Al-Qur'an, comme Yaqul ibn Abbas, on va dire le kalam d'Ibn Abbas, qui nous explique, radiyallahu ta'ala anhu, comment le Qur'an, il a été révélé. Hadha c'est tafsir ibn Kathir. طيب اسمع الى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سوره القدر دو تفسير ابن كثير هذا والمختصره باسكو تفسير ابن كثير يظن فيها مختصر سي لو اصل. طيب قال ابن عباس عليه رضوان الله قال سي ابن كثير كي غامل لا بارول ابن عباس. طيب قال ابن كثير عليه رحمه الله قال ابن عباس وغيره انزل الله القران جمله واحده من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع. Donc ici Ibn Abbas, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an jumlatan wahida. Il a révélé le Coran en entier min al-lawh al-mahfouz, min al-lawh al-mahfouz ila bayt al-Izza. Le bayt al-Izza, ayna hu bayt al-Izza? Min as-sama ad-dunya. Bayt al-Izza, c'est fi as-sama ad-dunya. Fi as-sama ad-dunya. ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع. Et à chaque fois qu'il y avait une munasaba, un événement qui se passait, Allah subhanahu wa ta'ala, il révélait ce verset, et Jibril, il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui donnait ce verset. Hein? Jibril, il faisait le wasit entre Allah subhanahu wa ta'ala et Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, hakada, ça s'est passé. Hein? Le Coran, il s'est révélé hakada. Donc, le premier fadl, c'est que Laylatul Qadr, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran. Et كذلك من فضائل هذه الليلة العظيمة أنها خير من ألف شهر. Allah dit dans le Coran, subhanahu, Laylatul Qadr خير من ألف شهر. La nuit du destin, يعني Laylatul Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois, c'est l'équivalent de combien d'années? C'est 83 ans et 4 mois. Alors c'est un fadl azim jiddan jiddan. Ça veut dire que, comme a dit le mufassirun, que celui qui fait des bonnes actions fi hadhihi layla, c'est comme si, enfin, c'est mieux que si, c'est mieux que 1000 mois de ibad. Mieux que 1000 mois de ibad. Et Allah, il n'a pas dit layla khayrun, il n'a pas dit layla tul qadr mithlu amal ou mithlu alfi shahr. Là, il a dit layla tul qadr khayrun min alfi shahr. Layla tul qadr, c'est encore mieux que 1000 mois. 83 ans et 4 mois d'ibada. Tu t'imagines? 83 ans d'ibada, en temps, une nuit, tu peux dépasser. Tu peux faire mieux. Pas comme, mieux. Allah, il n'a pas dit c'est comme, il a dit c'est mieux. Voilà, c'est un fadl azim jiddan. Et juste ce verset, normalement, juste ce verset, ça nous encourage à faire l'ibada fi hadhihi layla, à faire plus d'efforts dans cette layla. Wa mada, le hadith da'if, ou il dit c'est quoi le sabab de هذه الآية. Il est daif. بعد ما هو هذا الحديث. Un jour النبي صلى الله عليه وسلم يبغلي هكذا مع الصحابة فذكر رجلا كان يصلي الليل كاملة يصلي في الليل كاملة ثم إذا أصبح أخذ سلاحه وذهب يجاهد. Un homme من بني إسرائيل خصوصا لما يقول qu'un jour il y avait un homme من بني إسرائيل. Il faisait tout le temps le djihad, pendant la journée il faisait le djihad, et quand c'était la nuit, il faisait qiyam al-layl. Il a fait ça pendant combien de temps? Pendant 1000 mois, alf shahr. فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّبَ الصَّحَابَةُ. Les sahabas, ils se sont étonnés. Et puis après, Allah il a révélé ce verset. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, comme on a dit, il est daif. Et on va citer certaines de ces illas, ces illas. La première illa qu'il y a dans ce hadith, c'est une personne qui s'appelle, dans le sanad, dans le rapporteur de hadith, il y a une personne qui s'appelle Ibn Humayt. Hada Ibn Humayt, il est muttaham bil kadib. Les ulama al-hadith ittahimunahu bil kadib. Ça, c'est la première illa. La deuxième illa qu'il y a dans le sanad, c'est wahad qui s'appelle Al-Muthanna Ibn Sabbah. Hada Muthanna Ibn Sabbah, il est daif. Ça, c'est la deuxième illa. Et la troisième illa, c'est que dans le sanad, c'est qui ramène le sanad? Akhir sanad man Mujahid, qala Mujahid ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mujahid, il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Mujahid, c'est un tabi'i. Mujahid, il a jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mujahid, tabi'un, ils ont vu le sahaba, ils ont rencontré les sahaba, lakin ils n'ont pas rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu que dans le sanad, il manque quelqu'un. Et hada, c'est ce qu'ils appellent les ulama al-hadith mursal. Si dans le sanad ça serait un sahabi, ça serait clair, ça serait simple. On aurait dit que ce serait un muttasil. Là, on ne sait pas si c'est un sahabi ou un tabi'i. Donc, ce que tu retiens, c'est qu'il n'y a rien qui est venu. Tous les hadiths qui sont venus, qui parlent de asbab al-nuzul, hadith al-sura ou hadith al-aya, surat al-qadr, ils sont da'ifs. Il y a à peu près 5 hadiths qui sont venus, ils sont tous da'ifs. Tous, il y a des illa. Il n'y a pas un hadith qui est sahih. Tous les sanad, il y a des illa dans le sanad. C'est pour ça que Cheikh Mokbir, rahimahullah ta'ala, dans son livre As-Sahih, Min Asbab al-Nuzul, il n'a pas cité. Si tu regardes dans Surat al-Qadr, il n'a pas cité de Sabab, Min Asbab al-Nuzul. Surat al-Qadr, il n'a rien cité. Pourquoi? Parce que Cheikh Mokbir, rahimahullah, il voit que tous ces hadiths, ils sont da'if. Et celui qui veut vraiment, il veut yatawassa' fi hadhihi al-mas'ala, il regarde Mawsu'at Asbab al-Nuzul. Kitab, il est mawjoud fi al-maktaba. Yandur fi wa yandur akhtar, et il verra que tous, ils sont da'if. Tous les hadiths qui sont venus, ils sont da'if. Parce que tu retiens, c'est qu'il n'y a rien qui est venu sahih dans Asbab al-Nuzul. Tous les asanides qui sont venus, ils sont daïfs. Naam. Fa laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Wa hada, comme on a dit, c'est un fadl azim jiddan. Khayrun min alfi shahr. Tu t'imagines, 83 ans d'ibad. 83 ans et 4 mois. Fa yanbaghi lana an yani najtahid fi hadhihi al-layla. Najtahid ghayat al-ijtihad. Ghayat al-ijtihad. Naam. وكذلك من فضائل هذه الليلة العظيمة أن الملائكة ينزلون في هذه الليلة. ملائكة يدسون avec qui? Avec جبريل عليه السلام. هذا صامت خوسي سنفضل عظيم. ملائكة يدسون pas toute la nuit. ولكن في ليلة القدر يدسون avec جبريل. والروح فيها. الروح ici c'est جبريل. Et dans le Coran, des fois, Ruh, ça veut dire Jibril. Des fois, ça veut dire autre chose. Comme par exemple, قوله تعالى, قال الله تعالى, وأيدهم بروح منه. وأيدهم بروح منه. ما معنى الروح هنا؟ Ça veut dire le pouvoir. الروح, c'est pas tout le temps, ça veut dire Jibril. Des fois, ça veut dire Jibril, des fois, ça veut dire autre chose. طيب. ففي هذه الليلة, الملائكة ينزلون مع جبريل. Et في هذه الليلة, c'est une ليلة مباركة. Comme on a lu dans le verset tout à l'heure. قال الله تعالى, إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. فهذه الليلة سن ليلة وهي لا بركة. Et الملائكة quand ils descendent, ça prouve que c'est une nuit où il y a la baraka. كما يقول بعض المفسرين. Parce que الملائكة ils rentrent pas n'importe où. فمثلا comme c'est venu dans le hadith, الملائكة لا يدخلون بيتا فيه سوار. Pourquoi? Parce que سوار c'est محرمة. أما في هذه الليلة ils descendent. ينزلون والمفسرون يقولون أنهم ينزلون بكثرة. يعني beaucoup beaucoup de ملائكة qui descendent pendant cette nuit. وهذا c'est un فضل عظيم كذلك. وكذلك من فضائل هذه الليلة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما سيحصل. قال الله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Donc, في هذا, dans ce verset, Allah nous dit que, dans cette nuit, Allah décrète le destin de ce qui va se passer l'année prochaine. مثلا, là, on est en 2012, de cette année de Laylat al-Qadr 2012 jusqu'à l'année prochaine, Allah va écrire, il va décréter le destin de chacun d'entre nous. Naam. Le malaïka, quand la personne allait dans le ventre de sa mère, ماذا يفعلون? Comme c'est venu dans le hadith Ibn Mas'ud, quand la personne allait dans le ventre de sa mère, au bout de 4 mois, 120 jours, qu'est-ce comme c'est venu dans le hadith? قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Donc dans ce hadith Ibn Mas'ud, il nous dit que la personne, quand elle est dans le ventre de sa mère, ماذا يحصل? Au bout de 4 mois, ينفخ فيه الروح. Il a une âme. Allah lui donne une âme. Et puis après, يأتون الملائكة. Le malaïka, il vient. Et yu'maru bi arba'i kalimat. C'est-à-dire que le malaïka, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quatre choses. Première chose, yuktab rizqihi. Yu'maru bi katbi rizqihi. Première chose, c'est qu'ils écrivent son rizq. Deuxième chose, wa ajalihi. Ils écrivent quand est-ce, combien de temps il va vivre. Maintenant, il va vivre 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Hakada. C'est écrit. Troisième chose, amali, ajalihi ou amali. On lui écrit son amal, ses actions qu'il va faire. Quatrième chose, c'est yuktab. Hal huwa shaqi ou sa'id. Est-ce que ça va être un mu'min, un muslim ou un kafir? Ces quatre choses, ils sont écrites quand la personne allait dans le ventre de sa mère. Après, l'enfant, il sort, c'est un bébé, après ça devient un enfant. Et après, jusqu'à qu'il devient pubère. Arrivé, quand il arrive à la puberté, il y a des anges qui écrivent tout ce qu'il fait. Comme قال الله تعالى, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qui c'est écrit. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Après, chaque année, Allah سبحانه وتعالى il décrète le destin de chacun d'entre nous. Tous les ans. Donc, il y a trois choses. Quand la personne est dans le ventre de sa mère, Malaika est tout bon. Quand il devient pubère, la personne devient mukallaf, Malaika, ils écrivent. Et chaque année, fi Laylat al-Qadr, dans cette nuit, Malaika, ils viennent et Malaika est tout bon. C'est un dalil, ça montre le fadilat de Layla. C'est pour ça que, fi hadhihi al-Layla, يستحب على الرجل أن يدعو كثير. Je fais beaucoup de dua cette nuit. C'est pour ça que, comme c'est dans le hadith Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ida adraktu laylat al-qadr, mada aqul ?» Qu'allah al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Quli, Allahumma innaka afoun, tuhibbu l'afwa, fa'afu anna. » Ça, c'est une dua à faire. C'est lui qui yudrik hadhihi layla, il fait cette dua. « Tad'u Allah, qu'Allah te pardonne tes péchés. » Wa hakada. Wa hadhihi, c'est une dua azima jiddan. Ça prouve que l'insan, il doit faire dua. Fi hadhihi layla. Il ne doit pas faire que cette dua. Tu peux faire si'am. Aïe dua tuhib tad'u biha, tad'u biha. La basse. ولكن هذه الدعاء لعظيمة بخوة بس كسي الإنسان الله سبحانه وتعالى اللي pardonne ses péchés فهذا خير عظيم بس كما هو السبب c'est quoi le plus grand سبب que les gens ils rentrent في جهنم ما هو السبب c'est les péchés on peut expliquer tous les أسباب من أسباب دخول جهنم أسباب دخول النار en une phrase c'est désobéissance d'Allah. Celui qui fait du shirk, il a désobéi à Allah. Celui qui fait le bid'a, il a désobéi à Allah. Celui qui fait al-kabair, il a désobéi à Allah. Enfin, si Allah il pardonne tes péchés, aflahta. Wa kana sababan min asbabi dukhul al-jannah. Qu'Allah il pardonne. Fa anta tad'u fi hadhihi al-laylat al-mubaraka. Tad'u pour toi. Qu'Allah il tawaffaq. Qu'Allah il yadkhilak al-jannah. Taqul Allahumma atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina 'adhab an-nar. Wa kadhalik tad'u pour tes parents. Qu'Allah il wafiqhum. Qu'Allah il les préserve comme ils t'ont élevé quand tu étais petit. Yarhamhum. Wa hakadha tad'u pour tes frères, pour tes sœurs. Wa hakadha les gens de ta famille. Wa hakadha tad'u pour les muslimin. Wa tad'u pour kul muslimin. Qu'Allah yuwaffiqhum. Qu'Allah yansurhum ala a'da'ihim. Kadhalik tan ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin. Yani fi ardillah al-wasi'a. Tad'u lahum. Qu'Allah yuwaffiqhum. Wa hakadha t'oublie pas de tad'u ala al-kafirin. Al-mujrimin. Al-zalimin. Hakada, toutes les fitanes qu'il y a sur terre, hakada, que tu vois là dans qui se passe là, les fitanes qui se passent à notre époque, que ce soit en Tunisie ou là en Libye ou là en Syrie, hakada, tad'u ala al-kafirin. Léanna al-kafirin, c'est hum al-sabab fi hada. Amma al-muslimin que tu vois, c'est des pions. Amma al-sabab al-azim min asbab, hadhihi fitan qui se passe, hum al-kuffar. Fanta tad'u alayhim fi hadhihi al-layla, léanna hum mufsidoun fi l'ard. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون فأنت تدعو عليهم وكذلك من الأشياء التي تدل على أن هذه الليلة ليلة عظيمة سكوا الله سبحانه وتعالى إلى شوازي أو بيان بلوتو إلى غيبلين سورة كاملة تتكلم عن هذه الليلة سورة القدر كاملة أبغل دو ليلة القدر قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة علي سلام استدق كالي يلا بيد في هذه الليلة هكذا حتى سرت مفسرين ديز كو الشياطين ي peuvent pas faire de mal pendant cette nuit et on avait vu dans un dros avant que comme quoi il a déjà les شياطين ils sont enchaînés pendant Ramadan et on avait vu aussi que c'était pas tous les شياطين. On avait vu que c'était Ba'd al-Shayatin, les mauvais parmi les Shayatin. C'était pas tous. Les Shayatin, on peut être divisé en deux. Ta Shayatin min al-Jin et ta Shayatin min al-Ins. Shayatin min al-Jin, certains sont enchaînés, certains ne sont pas enchaînés. Amma Shayatin min al-Ins ne sont pas enchaînés. Walakin fi hadhihi al-layla, Shayatin, que ce soit parmi les djinns ou parmi les Ins, ils ne peuvent pas faire de mal. C'est pour ça que Allah a dit Salamun hi hatta matla' al-Fajr. Wa kadhalik. من فضائل هذه الليلة كما جاء في صحيح مسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه celui qui se lève qui fait قيام الليل pendant cette nuit ليلة القدر الله لي pardonne ses péchés et on avait vu aussi qu'avec dans d'autres que ce n'était pas les grands péchés hein, que c'était les صغائر الذنوب ولكن celui qui veut qu'Allah لي pardonne des grands péchés فيتوب إلى الله il ramène les choses qu'on avait citées qu'il avait ramené l'imam Nawawi dans Riyad Salihin, ou Inch'Allah, Allah yaghfir lahu d'anoub. Lian Allah ghafur rahim. Et l'insan, quand il fait d'anoub, que ce soit le kabair ou d'anoub, Allah s'arrête d'anoub, faut pas qu'il y ait as. Yaqnot. Là, c'est galat. Parce que بعد, certaines personnes, ils ont une pensée que khalas. Personne, des fois, ils font péché, ou akala, ils pensent que Allah jamais va lui pardonner. Hada, c'est khata. Ça, c'est une khata encore plus que certains péchés. لأن هذا الاعتقاد سوف تفرق الواحد ما يتوب إلى الله. فسك الله إنه زادي يا أيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان سيفي دي بيشي إلو بلي باك الله سبحانه وتعالى إلي غفور رحيم والله سبحانه وتعالى إلم قل بيخصان تتوب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة لكن التوبة نصوحة sincère. Tu te repens vers Allah et avec sincérité. Naam. Fa, là, on a cité certains fadaïs de Laylat al-Qadr. Je le répète, première fadaïla, c'est que Laylat al-Qadr, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Al-Qur'an. C'est le premier fadl. On a cité le dali. Deuxième fadl, c'est que Laylat al-Qadr, c'est mieux que 1000 mois. Troisième fadl, c'est que le malaïka yanzilun fi hadhihi al-layla. Les anges y descendent dans cette nuit avec man, avec Jibril, alayhi salam. Et parmi les fadaïls de cette layla, annaha salam. Dans cette layla, il y a la paix. Illa matla'i al-fajr, jusqu'à que le fajr y vire. Kadhalik, parmi les mérites de cette layla, le cinquième mérite, c'est annaha laylatun mubarakah. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وما معنى البركة سأريد أقول البركة العلماء يقولون البركة هو أو يعني تعريف البركة هو ثبوت الخير الإلهي في شيء هذا هو البركة هذا هو تعريف البركة نعم وكذلك من فضائل هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى يفرق كل أمر حكيم يعني الله يدخل لدستان لنسل نعم كذلك من فضائل هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى أنزل صورة كاملة تبين ليلة القدر وتبين عظمة هذه الليلة العظيمة وكذلك من فضائل هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صافيكم يا صافيكم كذلك طيب un autre fadl que je viens de me rappeler c'est que Allah سبحانه وتعالى il dit dans صورة القدر quand tu vois dans le Coran où Allah il dit مثلا dans un verset dit il répète cette chose comme Allah il a dit dans le Coran inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr tu vois il a répété il a dit wa ma adraka quand tu vois dans le Coran hada wa ma adraka ça veut dire que la chose qui est citée après wa ma adraka elle est très très importante elle est très muhimma qala Allah ta'ala al qari'atu ma al qari'ah wa ma adraka ma al qari'ah hadhihi al qari'ah c'est quoi c'est ism min asma yawm al qiyamah c'est parmi les noms de yawm al qiyamah Ça prouve vraiment que Yom al-Qiyamah, c'est un jour très très très important, très mohim. Quand Allah il a dit, il a répété Laylat al-Qadr, ça prouve que c'est une nuit très très importante. Voilà, Inch'Allah, nous parlons de l'alamat de cette nuit. Comment tu reconnais cette nuit? Là, on a cité les mérites de cette nuit. Maintenant, on va citer comment tu fais pour reconnaître cette nuit, hein, les signes de cette nuit. Et avant de rentrer dans le sujet... dans l'alamat Laylat al-Qadr, il faut savoir que les ulama ikhtalafu dans هذه المساله il a aqwal kathira jiddan. Si tu regardes dans Fath al-Bari, tu vas voir que les ulama ils ont un khilaf azim sur quand est-ce qu'avient Laylat al-Qadr. C'est quoi les signes de Laylat al-Qadr? Ibn Hajar il ramène plus de 44 avis. 44 avis, tu t'imagines c'est combien? 44 ou la 45 avis. Et l'imam Shawkani dans son livre Nair al-Abtar, Sharh al-Muntaqa Il ramène combien d'avis 47 avis. C'est vraiment c'est un khilaf kabir jiddan. Voilà qu'un Cheikh al-Bassam, rahimahullah, il nous explique ses avis. Il akhasse ses avis. Hein, il nous résume ses avis. Il y en a souvent, tu vois ça. Tu vois les ulama d'avant, les anciens, ils t'expliquent, c'est un peu dur à comprendre. Après les ulama, ils viennent et ils te l'akhassent, ils te résument. الحافظ على ماذا الشيخ البسام رحمه الله بصنيف توضيح الأحكام نعم توضيح الأحكام يدي que ces avis là les accords des ulama adida dans qu'ils ont cité dans Fath al-Bari ou là dans Sharh al-Muntaqa on peut les diviser en quatre avis القول الأول أو القسم الأول c'est les avis qui sont marfouda vraiment qui sont بعيدة جدا Par exemple, certains ils ont dit que Laylat al-Qadr, et bah, khalas, elle n'existe plus à notre époque. C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À notre époque, khalas, elle n'existe plus, les lettres qadr. C'est un qawl, ba'i kitten. Donc c'est aqwal marfouda. Le qism al-awwal, al-aqwal al-marfouda. Les aqwal que on, yani on délaisse. Le deuxième qism de ces aqwal, c'est al-aqwal al-da'ifa. Des fois, les ulama, ils vont citer des aqwal, ou bien plutôt les na'am, Sheikh al-Hafid ibn Hajar, il va citer des aqwal qui sont da'ifa. Et lui, yankul bas. Lui, yankul. Il va yankul. Mathalan, certains vont dire, Laylat al-Qadr, c'est fi nisf sha'ban, min shahr sha'ban. Nisf min shahr sha'ban. Hala, c'est ba'id. Laylat al-Qadr, c'est fi Ramadan. Le Coran, il est wadih sur ce sujet. Amma que tu dis, c'est nisf de sha'ban, hala, c'est qawl ba'id. Cheikh al-Bassam me dit ça, c'est d'aqwal da'ifa. Troisième qawl, c'est les avis qui sont marjouha. Par exemple, certains ils vont dire, ils sont yani marjouha. C'est-à-dire, marjouh, c'est le axe de quand on dit qawl al-rajih. Maintenant, l'avis le plus plausible, on va dire qawl al-rajih, le contraire de ça. Tu dis en arabe, marjouha. Maintenant, certains ils vont dire que Laylat al-Qadr vient fi ghayr al-ashr al-awakhir. Ça se peut que Laylat al-Qadr, maintenant, c'est au début de Ramadan. Ça, c'est aqwal marjouha. Et le qism al-rabi', c'est l'aqwal al-sahiha, al-mu'tamada, bil-adillati al-sahiha. Donc on va les appeler le qism al-rabi' aqwal al-rajih. Donc je répète, premier qism, c'est les aqwal marfouda, qu'on n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun dalil sur ça. Mathalan, ceux qui ont dit, comme quoi Laylat al-Qadr, elle n'existe plus à notre époque. Alors c'est ba'id kitten. Deuxième qawl, c'est que, deuxième qism, c'est les aqwal al-da'ifa. Mathalan, certains vont dire que Laylat al-Qadr, ça se peut que c'est fi sha'ban. Alors c'est da'if. Allah nous dit dans le Coran, Laylat al-Qadr, il dit que c'est fait Ramadan, antum ta'atun, tu veux dire que c'est fait Sha'ban. Ada ma yumkin. Ada qawl da'if. Troisième qism, c'est les aqwal qui sont marjouha. Mithl, mathalan, qawl que comme quoi Laylat al-Qadr, ça se peut que c'est au début de Ramadan. Ada c'est aqwal marjouha. Et le quatrième qism, c'est les aqwal qui sont sahiha, mu'tamada, aqwal al-rajiha. Comme quoi, mathalan, ils sont mu'tamada bil adilla. Tout ce qui a un dalil, c'est sahih. Tout ce qui n'a pas de dalil, c'est pas sahih. Wahakada. Et là, tu sais, ya akhi, que comme quoi, quand tu étudies les masaïl dans le fiqh, tu vas voir des fois des ajaïb. Des fois, tu vas voir des ajaïb jitan. Anta, pour t'en sortir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches au dalil. Tu t'amassak bit dalil. Wahakada. Dans toutes les masaïl, si tu t'accroches au dalil, inshallah, tu vas comprendre le qawl al-rajih ou le qawl al-sahih. Naam. Donc, hada. C'est avant de rentrer dans les signes de Laylat al-Qadr. Tu sais qu'il y a des khilaf azim, et nous, inchallah, on va citer que les signes de Laylat al-Qadr qui sont de l'adilla. Donc, le premier signe de Laylat al-Qadr, c'est que c'est la nuit, la fin de cette nuit, elle est pendant le mois de Ramadan. Parce que certains ils disent que non, ça se peut que c'est Finis Sha'ban. Hada, c'est khata. Hata, Cheikh Al-Uthaymeen, je disais tout à l'heure, je disais tafsir Laylat al-Qadr, il disait c'est qawl da'if jittan. Comme quoi ça se peut que c'est fi shahr sha'ban. La, Laylat al-Qadr c'est fi Ramadan. Qala Allah ta'ala, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et puis après Allah il précise quand est-ce qu'il a été pendant Ramadan, quand est-ce plus précisément, il dit inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Donc c'est clair que c'est pendant Ramadan. Le deuxième signe, comment tu reconnais Laylat al-Qadr? C'est que c'est fi l'ashr al-awakhir. C'est les 10 derniers jours de Ramadan. Ça, c'est le deuxième signe. Le deuxième signe qui t'aide, inshallah, à connaître Laylat al-Qadr, c'est les nuits impaires. Les nuits impaires, mathalan, le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. Et hada, c'est tatanakal. Parce que certains, ils croient que c'est que le 27. Là, c'est pas que le 27. Même on a certains ulama qui disent ça. Lakin nahnu natamassak bid dalil ma ihtiramina li haula al ulama al ajilla. Lakin le dalil c'est que c'est venu une fois au temps des prophètes sallam pendant le 21e jour. 21e jour de Ramadan. Comment tu fais alors? Et sahih comme il dit Ibn Hajar, c'est que cette nuit tatanaqqal. Des fois c'est le 21, des fois c'est le 23, des fois c'est le 27, des fois c'est le 29. À moins de dire c'est que le 27, hada قول فيه نظر. Parce que le dalil il va dans Comme quoi, ça se peut que c'est le 21, ça se peut que c'est le 24. Et le waqih kadhalik. Des fois, tu te lèves le 27, le 27e jour, tu vois le matin, là, le soleil, il y a des rayons qawi jiddan. Et des fois, tu vois que le 23e jour, les rayons, ils sont pas... Et des fois, tu vois, matalan, yani, tu vois que les rayons, ils sont pas qawi. Fal khulasa, c'est que c'est pas tout le temps le 27. Hein, c'est les nuits impaires. كذلك من علامات ليلة القدر c'est que pendant cette nuit le soleil il se lève yani le, tu vas voir par exemple le 27 la journée du 28 le soleil il se lève et puis il n'y a pas de rayon de soleil c'est à dire qu'il se lève et tu peux regarder le soleil c'est comme si c'était une lune c'est à dire que ça ne fait pas mal aux yeux de regarder le soleil ça c'est من علامات ليلة القدر qu'il n'y a pas de rayon les rayons ne sont pas qawi tu peux les regarder كذلك من علامات ليلة القدر c'est que c'est une nuit pendant cette nuit il fait ni trop chaud ni trop froid hein ليلة مسمحة ni trop chaud ni trop froid كذلك من علامات ليلة القدر c'est نزول المطر qui pleut dans cette nuit et c'est venu au temps du prophète sallam où il pleuvait pendant ليلة القدر et au temps du prophète sallam il n'y avait pas de il n'y avait pas comme on a la moquette à notre époque. Et il n'y avait pas de sadh. Le sadh, c'était des branches de palmiers qu'ils les mettaient au-dessus. C'est-à-dire que quand il pleuvait, la pluie a rentré. Et vu que c'était du sable, ça faisait du tain. Enfin, sahaba, ils ont vu que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam avait du tain dans son front. Enfin, ça se peut que des fois, l'ilat al-qadr, il pleut. Et alors, c'est min alamat, l'ilat al-qadr. On avait déjà vu le hadith dans l'Ibn al-Hakim. Hein, on avait déjà vu. Taïb. فهذه سي ديسين دو ليلة القدر ك مبنية على الأدلة pour comment comme ça tu reconnais ليلة القدر وهكذا فأظن بهذا القدر الكفاية وإن شاء الله غدا يعني لا مش غدا samedi dimanche إن شاء الله on fait un درس sur زكاة الفطر on ramènera إن شاء الله زكاة الفطر وأحكام زكاة الفطر on fera un dars sur est-ce que tu as le droit de sortir zakat al-fitr en argent. On va naqash la mas'ala, on va ramener les hadiths là comme quoi c'est la yajouz de sortir zakat al-fitr, on va ramener les aqwal des ulama comme quoi c'est la yajouz de sortir zakat al-fitr en argent. Wa sunnah tu la sors comme c'est venu dans au temps du prophète sallam. La sunnah c'est que tu sors en nourriture. Et puis après, نقف إلى بعد رمضان وسننظر ماذا سنعمل بعد رمضان سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خير